Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le cinéma d'Agnès Varda. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. C'est un cinéma honnête, un cinéma de spectacle quand même. Oui, mais honnête. Absolument. Honnête avec... C'est-à-dire que je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Quand je parle des platanes, c'est parce que je suis très informée sur les platanes qui crèvent. Quand le peu que je dis, n'est-ce pas, qui est informatif, je sais parce que je l'ai appris ou que je le sais. Mais pour tout le reste, je ne suis pas madame, je sais tout. Je suis plutôt madame, je sais très peu de choses. Et dans mon émotion de cinéaste, c'est dans cette espèce de petit malaise vivifiant que je veux vous emmener. Agnès Varda, à l'émission Les Belles Heures en 1985, cette Agnès Varda qui se décrit comme « Madame, je sais très peu de choses », disait aussi qu'elle avait des yeux curieux. Agnès Varda s'intéresse à tout, en fait. Elle est curieuse, curieuse de tout et des autres surtout. Photographe, documentariste, réalisatrice de films de fiction, artiste visuelle, Agnès Varda est une touche-à-tout qui choisit ses projets en fonction des sujets qui l'allument et qui décide ensuite de la forme qu'ils prendront. J'ai fait des films très, très différents dans ma vie. Et donc, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qui m'a menée à faire ce travail pendant tant d'années. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. L'inspiration, c'est pourquoi on fait les films. Quel motif, quelle idée, quelles circonstances. Quel hasard qui fait qu'un désir se met en place et on travaille pour faire un film. Création, eh bien, c'est comment on fait le film. Avec quels moyens? Quelle structure? Seul, pas seul? En couleur, pas en couleur? La création est un travail. Et le troisième mot, c'est partage. Parce qu'on ne fait pas des films pour les regarder tout seul, on fait des films pour les montrer. Au fond, il faut savoir pourquoi on fait ce métier. Moteur. C'est pas le besoin de créer des images, c'est que j'ai les yeux curieux. Extrait de la bande-annonce du film Varda par Agnès, une manière d'autoportrait réalisé par Agnès Varda en 2019, l'année même de sa mort. Pour revenir sur cette très riche, sur cette très longue carrière d'Agnès Varda, je reçois Michel Coulombe, qui est chroniqueur cinéma à notre radio et notre télévision. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place elle occupe dans ce grand portrait du cinéma français, Agnès Varda? Agnès Varda est une pionnière. Il y avait peu de femmes qui faisaient du cinéma dans les années 50. Parmi ces très peu nombreuses femmes, très peu avaient du talent. Et encore moins, bref, elle seule a tenu tout ce temps. Et donc, c'est ce rôle-là, mais aussi sa durée, qui lui confère effectivement une place à part. Parce que jusqu'à la toute fin, on parlait donc de ce film qu'elle a fait en 2019, il a été présenté à Berlin quelques semaines, quelques jours avant sa mort. Ouais. Donc, jusqu'à la toute fin, son geste de cinéaste était présent. 65 ans de carrière, c'est considérable. Et donc, ça a été vraiment une pionnière, mais une femme qui aimait bien jouer avec ce qu'on disait d'elle. Ouais. Elle disait, oui, on a dit de moi que j'étais, puisqu'elle a fait la pointe courte dans les années 50, l'hirondelle de la Nouvelle Vague, donc celle qui a annoncé. Puis après, on a dit que j'étais le dinosaure de la Nouvelle Vague, puisque j'étais resté là bien après que ce courant se soit terminé. Mais ça nous en dit beaucoup, ce que vous venez de raconter, sur sa personnalité, son humour, son autodérision. C'est un personnage très coloré. Les gens qui la connaissent, la voient, je suis certain, en nous écoutant, ils la revoient, cette petite coupe de cheveux. Mais parlez-moi de... C'est un personnage. C'est un personnage qui, au départ, s'appelait Arlette. Hein. Père grec, mère française, naissance en Belgique. On la nomme Arlette et elle trouve qu'Arlette, vraiment, c'est un nom ridicule, c'est un nom de gamine. Donc, dès qu'elle a 18 ans, le nom d'une gamine sautillante lui plaît pas du tout. Elle invente, crée Agnès. Ouais. À partir de là, elle va avec le temps se définir sur la place publique parce qu'elle prenait la parole. Et ça... C'est pas tous les cinéastes qui ont ce talent de revisiter ces films, de les restaurer, d'aller vers les autres, d'en parler, de les ramener de différentes façons, de les mythifier aussi. Elle faisait tout ça, puis elle a créé un personnage sur le plan physique. C'est une toute petite femme qui a rapetissé avec les années, qui avait cette coupe au bol déjà un peu surprenante. Ouais. Mais elle s'est dit, bon, une vieille dame aux cheveux blancs, c'est quand même banal. Ajoutons-y de la couleur. Et à partir de là, il suffisait de la voir. Et elle le disait d'ailleurs, certains connaissaient pas mes films, mais mon allure, tout ça, ils connaissaient. On la voyait, on savait que c'était Agnès Varda. Il y a des tas d'autres cinéastes plus connus pour leur œuvre qu'on reconnaît pas de cette façon-là. Elle avait créé non seulement une œuvre, une signature, qui était d'ailleurs dans les titres de certains de ses films, Les plages d'Agnès, par exemple, mais aussi un personnage. Et elle est dans le contact. Elle est sympathique, tout simplement, mais elle cherche ça. Elle est dans le contact, elle rigolote, c'est ça, Agnès Varda? Oui, parce qu'il y a... Je crois qu'elle prenait son œuvre au sérieux, mais elle ne se prenait pas au sérieux. Et il y a dans ses documentaires une volonté toujours de mettre de la légèreté, d'aller vers ce qu'on pourrait appeler des digressions, mais des petits chemins de côté qui sont plus ludiques, qui sont des clins d'œil, qui sont sa curiosité à elle. Par exemple, elle tourne les plages d'Agnès et puis elle se dit, tiens, je parle des plages de ma vie, mais il n'y a pas de plage sur la rue que j'habite à Paris, puisqu'elle habitait au cœur de Paris, rue Daguerre, où elle s'est installée en 51. Elle y a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Alors, comme il n'y avait pas de plage là, au fin du film, elle va faire débarquer des tonnes de sable et créer pendant 2 jours une plage en ville, littéralement. Ouais. Et ça l'amuse beaucoup. Ouais. Les choses sont comme ça autour d'elle. Hein. Elle sait les regarder, les redéfinir et s'en amuser, faire des clins d'œil. Comment elle en arrive au cinéma? Elle est d'abord photographe, Michel Coulombe. Comment elle glisse vers le cinéma? Elle est photographe pour le Festival d'Avignon, pour le Théâtre National Populaire, donc elle travaille avec Jean Villard, des gens comme Gérard Philippe, quand même de grosses pointures. Et puis, tranquillement, elle se dit qu'on pourrait peut-être prolonger un peu le geste, aller vers le mouvement. Mais elle n'avait vu aucun film, elle n'avait aucune culture cinématographique. Selon les entrevues, elle va dire qu'elle avait vu 5 ou 10 films. Quand elle a 25 ans, quand même, c'est dire c'est très peu. Donc, elle avait cette forme d'innocence. On ne pouvait pas l'accuser de copier des choses qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est lancée. Et elle s'est intéressée, en fait, à un roman de Faulkner, « Les palmiers sauvages ». Et dans ce roman de Faulkner, il y a des récits parallèles qui sont sans rapport l'un avec l'autre. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a pris la Pointe-Courte, un quartier de Sète qu'elle avait habité. Et d'un côté, il y a Philippe Noiret, Sylvia Montfort, un couple en difficulté, et de l'autre, les pêcheurs. Et puis elle met ça en parallèle en se disant « Tiens, ça va être amusant ». Ce qui, effectivement, devance un peu la nouvelle vague parce qu'elle tourne dans les décors, sur les lieux, avec une certaine légèreté, avec un rapport au jeu qui est très différent au jeu naturaliste que l'on privilégie habituellement, dans le noir et blanc, en faisant quelque chose qui est un geste qu'elle appelait radical. Et ça, ce mot-là va revenir souvent dans sa bouche. Je suis une artiste, je pose des gestes radicaux, je cherche pas, même si elle parle du public, parce qu'elle en parle du public, je cherche pas à plaire à tout prix, je fais quelque chose qui est un geste artistique. Mais je peux vous souhaiter un bel été. Aujourd'hui, ça porte bonheur quand c'est le jour juste. Peut-être. C'est la fête à Flore. Presque. Mon nom, c'est Florence. Mais on m'appelle Cléo pour Cléopâtre. Elle répond à ce petit soldat qui est un soldat en permission de la guerre d'Algérie. Ils sont tous les deux dans la situation d'être tous les deux en état de peur, en état de danger. Elle, d'un cancer menaçant, et lui, d'être à la guerre, tout simplement. Alors, quand vous avez dit « ça m'a amusé », c'est romantique, vous avez dit « c'est peut-être l'amour », je crois que c'est pas du tout l'amour qu'il y a entre eux. Il y a un dialogue, une espèce d'écoute, parce qu'ils sont en situation de fragilité tous les deux, et ça leur permet d'être ensemble, ce qui est une très belle chose. Ils sont ensemble ce temps-là, il l'accompagne à l'hôpital rencontrer le docteur qui annonce des rayons, et elle va l'accompagner à la gare, il va prendre son train pour aller prendre le bateau pour l'Algérie. C'est une espèce de moment fragile entre deux personnes qui ont tout pour se comprendre à cause des circonstances. Quel programme ! Florence, c'est l'Italie, la Renaissance, Botticelli, une rose. Cléopâtre, c'est l'Égypte, le Sphinx et la Spic, une tigresse. Non, moi, je préfère Florence. Je préfère la flore à la faune. Cléo de 5 à 7, c'est le film qui va vraiment lancer la carrière d'Agnès Varda. Son deuxième film, Michel Coulombe, et puis on l'entendait en parler, Agnès Varda, de ce film à l'émission Ici et ailleurs en 2005. C'est devenu un film qui fait partie de l'histoire du cinéma. Cléo de 5 à 7, un film culte à certains égards. Pourquoi? Ben, ce film de 1962 est effectivement typique de la Nouvelle Vague. C'est un film pour lequel elle a écrit, et ça aussi, ça marque, des chansons avec Michel Legrand. Elle en a écrit 4 pour Corinne Marchand, cette femme donc, qui déambule dans la ville en attente d'un verdict du médecin, d'un diagnostic. A-t-elle le cancer? Donc, c'est pour elle une réflexion, c'était ça l'idée même du film, une réflexion sur la beauté, l'extrême beauté de Corinne Marchand et la mort qui la guette. Elle a rêvé un certain temps de refaire le film. Madonna s'était intéressée à ce scénario, à cette histoire, à ce film, et voulait, donc un scénario a été commandé, le refaire aux États-Unis. La mère de Madonna étant morte elle-même d'un cancer, la chanteuse, actrice s'est retirée du projet, et après, elle a continué, Agnès Varda, de rêver, puisqu'elle aurait pu diriger Madonna, il en était question, elle l'a rencontrée à quelques occasions, mais elle disait, tiens, on pourrait le refaire, et ce serait le sida. Ce serait une femme noire, et ce serait, tiens, Whitney Houston. Donc, c'est resté pour elle quand même la marque de quelque chose parce que ça l'a lancée, établie comme cinéaste dans un environnement, il faut le dire, celui de la Nouvelle Vague. Mais avec un concept fabuleux. C'est tourné en guillemets en temps réel. L'histoire se déroule sur un peu moins de 2 heures. Ce moment d'attente où tout peut basculer pour cette femme. Elle s'est imposée une règle en disant au départ, parce que c'était ça le concept, l'idée, elle aimait bien les concepts, 5 à 7. Donc, on ne pouvait pas déborder de ça. En fait, c'est 5 à 6 et demi, plus ou moins, parce que on suit cette femme-là comme si c'était le temps réel. Ouais. Elle a demandé, et ça c'est assez curieux, à sa comédienne de perdre du poids, c'est 7 kilos je crois, donc c'est pas possible de perdre ce poids-là sur une période si courte, mais pour qu'on sente la mort ou la faiblesse, l'affaiblissement de cette personne face à quelque chose qui la terrifie. C'est des oreillettes, je sais pas. Quand c'est trop fort, je sais pas ce que je mange. Vous aimez bien la musique? Ça, ouais. Ça et l'herbe. Vous n'avez pas un petit transistor? Non. Ni d'herbe en ce moment. J'ai trop peu de blé pour en acheter. Je crois que les spectateurs sont assez grands pour qu'on leur propose des films où eux-mêmes se positionnent par rapport au personnage. Oui. C'est-à-dire que chaque spectateur est comme un des témoins des gens qui ont vu passer Mona dans la campagne, très belle campagne du Gard, la campagne du Languedoc. Chaque spectateur devient un témoin de Mona. Et au fond, mon rêve, c'est de procurer un certain malaise, mais un malaise tellement vivifiant que les gens se disent « Mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait avec Mona? Est-ce que je l'aurais parlé? Est-ce que je l'aurais insulté? Elle est sale, elle est mal embouchée, elle parle mal, elle dit pas merci, elle veut pas travailler, elle a tout pour déplaire, et pourtant elle fascine. » C'est sûr qu'il faut du blé pour de l'herbe. Même du blé pour du pain. Non, du pain, j'en trouve toujours. Et le fric par-ci par-là. Ça passerait bien avec une bière, ça. Agnès Varda, à l'émission En tête en 1985, qui parlait de son film Sans toi ni loi, dont on vient d'entendre un extrait. Ce film-là, le film que Varda réalise en 1985, justement, Michel Coulombe, est-ce que c'est son film le plus connu du grand public? Et de loin, pour elle-même, il y avait une forme de malaise. Elle disait, c'est une anomalie dans mon œuvre, parce que c'est un film qui a marché, qui est rentable. Ouais. Mon œuvre n'est pas rentable, moi. Je suis une femme de la marge, on m'appelle la princesse de la marge. Alors bon, vraiment, un film qui fonctionne, qui plaît au public, même s'il est radical. Comme c'est curieux, Lion d'or du Festival de Venise, interprétation extraordinaire de Sandrine Bonnaire, qui accepte cette idée de ne pas être aimable, mais devant, avant tout ça, il y a d'abord une démarche d'Agnès Varda qui a pris sa voiture et qui a passé des semaines à faire monter des autostoppeurs, des gens donc qui étaient dans la situation de sa Mona, du personnage qu'elle allait créer, pour comprendre comment ils étaient, comment on pouvait les aider, comment on ne pouvait pas les aider, comment ils vivaient, quel était vraiment le cadre dans lequel ils évoluaient, donc pour être vraiment en prise avec son sujet. Puis il y avait aussi une volonté esthétique qu'on sent moins... Enfin, on ne la réfléchit pas, mais elle est là. C'est-à-dire des grands mouvements de caméra qui relient des objets les uns aux autres. Il y avait donc une forme de pari esthétique parce qu'il y avait toujours chez elle des références esthétiques. Elle cachait, par exemple, je ne sais pas, une référence à Picasso dans La Pointe courte. Il y avait cette volonté d'être aussi une artiste qui faisait ce genre de travail-là. Et ça va toucher les gens. Et annoncer les glaneurs et la glaneuse, puisque par la suite, elle s'intéressera aux gens très, très pauvres qui vivent de toutes sortes de choses. Mais c'est ça qui est intéressant avec Sans toi ni loi, c'est que même si ce film-là atteint le grand public, l'objet du film, ça reste une certaine marge. Une marge et puis une volonté de dire, voilà, ça c'est la réalité et on ne va pas l'enjoliver. Ouais. Et même Son destin, cette femme-là, cette jeune femme-là, elle avait tout juste 18 ans, Sandrine Bonnaire, il est tragique. Je vous le dis tout de suite, ça commence comme ça. Vivons avec ça. Ça, c'est la réalité. Elle est dure, mais c'est la réalité. Et ça rejoint les gens. Ouais. C'est un film qui aura, pour Sandrine Bonnaire, évidemment, un impact considérable. Un déclencheur. Ouais. 1991, elle réalise le film Jaco de Nantes. Ce film-là, c'est un formidable hommage qu'Agnès Varda rend à l'amour de sa vie, le réalisateur Jacques Demy. Grand-mère, tu peux me faire une cape pour ma marionnette? Pas noire comme ça, mais avec des tissus qui changent toujours de couleur. Et bien sûr, mon petit Jaco. Mais je dois finir cette robe. Regarde le haut avec toutes ces perles. La cliente vient demain. Il faut absolument que je finisse. Bon, ben, tu me la feras après. Oui, mais nous ne parlons presque jamais du métier ensemble. Pourquoi? Enfin, de son film actuellement. Le travail de création est quand même très personnel. Il ne faut pas se gêner mutuellement. Chacun a le respect de l'autre, si vous voulez. Et nous n'en parlons pas. On est deux cinéastes, mais ça n'a aucun rapport avec nous. Avec notre... Enfin, je veux dire, on ne serait pas cinéaste, on se serait peut-être rencontrés quand même. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. On parle de cinéma, mais enfin, on pourrait aimer le cinéma et en parler aussi. On ne mélange pas du tout tout. Quand on a le même métier et qu'on estime le travail que fait l'autre, c'est tellement une question de respect de la personnalité de l'autre. On est tellement différents en plus. Je veux dire, je sens très fort ce que fait Jacques, je ne le comprends pas. Je ne cherche pas à le comprendre, je veux dire, je n'ai pas besoin de le comprendre. C'est très beau ce qu'on vient d'entendre. Je sens très fort ce que fait Jacques, je ne le comprends pas, je n'ai pas besoin de le comprendre. Cette relation, parce qu'on entendait donc Agnès Varda et Jacques Demy à l'émission française « Démons et merveilles du cinéma » en 1964. Un petit bout aussi dans cet extrait du film « Jaco de Nantes » que Varda réalise en 1991. Que dire de cette relation-là, Michel Coulombe, Demy-Varda? Ils se sont connus à la fin des années 50. Ils sont allés vivre aux États-Unis à la fin des années 60 ensemble, au tournant des années 80. Ils vont faire des films de ce côté-là. Ils auront une relation quand même fusionnelle. Quand on lui disait, oui, bon, c'est quand même Legrand et Demy qui ont amené la chanson dans votre vie. Toi, je dis, non, pas du tout. C'est moi qui m'intéressais d'abord aux chansons. Jacques Demy est venu par la suite. Et ce qu'a fait Agnès Varda, seules les femmes peuvent le faire. C'est-à-dire qu'elle a vraiment célébré l'œuvre de Jacques Demy. Elle s'est assurée que tous ses films soient restaurés après sa mort. Elle lui a consacré 3 films. Le plus particulier, il faut dire, c'est Jaco de Nantes, parce qu'il était atteint du sida à la toute fin de sa vie. Il était là, vraiment en fin de vie, tout près du tournage. Il est mort quelques jours après le clap de fin. Donc, il y avait ça, mais elle a aussi fait un film sur Les Demoiselles de Rochefort, 25 ans plus tard. S'est assuré donc de la diffusion de son œuvre, a parlé de lui avec, mais vraiment, passion pendant des années et des années pour pas... que cette œuvre tombe dans l'oubli. Mmh. Et passant sous silence, oui, leurs écarts, leurs difficultés, parce que c'est un couple, c'est comme ça. S'il est mort du sida, c'est probablement aussi, il ne voulait pas le nommer, c'est nommer cette maladie, c'était une maladie honteuse, rappelons-nous, en 1990. Il était bisexuel, donc il l'avait laissé un certain temps, mais il était revenu. Et ensemble, ils étaient un couple exemplaire du cinéma français. Parce une que équipe. Deux vrais auteurs. Ouais. Véritablement. J'ai comme glanage. Glaner, c'est ramasser après la moisson. Glaneur, glaneuse, celui ou celle qui glane. Autrefois, il s'agissait toujours de glaneuses, et les plus célèbres, peintes par milliers, étaient reproduites dans les dictionnaires. Glaner, c'est l'esprit d'antan, ça. J'ai entendu souvent ma mère dire « Fini de ramasser pour pas gaspiller voilà. ». Maintenant, malheureusement, ça se fait plus. Parce qu'il y a des machines tellement performantes. Mais avant, oui, j'ai eu glané avec mes voisines, avec mes... le blé, comme le riz aussi se faisait avant. Eh bien, voilà, j'avais mon grand tablier. Hein, on glanait, on ramassait le blé, les épis, les beaux épis qu'il y avait. J'y mourrai. Pas tout de suite. Allez, on vous laisse y retourner. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, messieurs, dames. Merci à vous. Alors, toute sa vie, Agnès Varda va passer, Michel Coulombe, de la fiction au documentaire, du court au long métrage. Ce film, dont on vient d'entendre un extrait, Les Glaneurs et la Glaneuse, elle le réalise en 2000. Ça nous permet de parler de la documentariste. On ne l'a pas vraiment fait encore. Que dire de ce film, mais plus largement, qui va être très, très bien reçu, là, ce film en 2000, mais plus largement de Varda, la documentariste. Quand les portes de la fiction ont été fermées, elle a fait un film sur le centenaire du cinéma, donc avec Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Robert De Niro, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, c'était un échec considérable. Et elle s'est retournée, elle s'est tournée rapidement vers le documentaire. Et elle fait des documentaires un peu particuliers parce qu'elle est un personnage de ces documentaires, surtout ceux de la fin de sa vie. C'est le cas des Glaneurs et la Glaneuse. Elle est là, ouais. Curieuse des gens, amoureuse des gens, attentive, sans jugement. Elle fait pas des films sociaux qui veulent défendre une thèse ou autre chose. Et elle se permet de prendre des petits chemins de traverse de temps à autre. Elle dit, tiens, ça me fait penser à autre chose. Comme notre esprit vagabonde de toutes sortes de façons, elle fait ça dans la complicité du public, en montrant des gens, et c'était sa grande préoccupation, qui n'ont pas de pouvoir, ouais. Qui sont aux marges de la société. Elle n'aurait jamais fait, et elle le disait d'ailleurs, de films sur les banquiers, les industriels, toutes ces personnes-là. Elle disait, je comprends que des cinéastes comme Chabrol soient intéressés à la bourgeoisie. Moi, c'est pas mon monde. Ce sont les gens simples, j'essaie de les comprendre, de les regarder. Et elle était fidèle. Donc, elle a fait Les Glaneurs et la Glaneuse, et elle a fait 2 ans plus tard. Elle a souvent fait ce genre de choses. Elle a fait Cléo de 5 à 7, et bien après, un autre film sur Cléo de 5 à 7, anecdotes et tout. Elle revenait, elle revisitait le travail qu'elle avait fait. Ça ouvrira la porte aux Plages d'Agnès, par exemple, Visage Village, qu'elle a fait avec J.R. la toute fin de sa vie, ouais. Qui est un film remarquable parce qu'elle va un peu partout sur les routes de France. Donc, c'est vraiment un film de déplacement, mais un film où on va voir des gens simples et on leur dit « Vous êtes importants. Ouais. Je vous écoute. » On faisait leurs photos au fin du film et ces photos étaient présentées dans leur milieu de vie. Et on disait à ces gens-là « Voilà, vous existez, vous avez votre place et moi, je vous ai vu. Ouais. » Et ce qui était formidable, c'est que le public a reçu ça de façon extrêmement généreuse, avec beaucoup d'ouverture. Son héritage, Michel, on est déjà rendu là. Évidemment, la durée, vous en parliez, plus de 60 ans. Elle était là depuis tout le temps, dans cette photo de famille, Agnès Varda. Une œuvre, certainement, vous venez de le démontrer, une œuvre qui autoréférentielle, même à certains égards. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle laisse, Agnès Varda? Elle aurait été une femme de référence. C'est important pour les femmes cinéastes de dire « Avant moi, il y avait quelqu'un. » Donc, elle était là depuis longtemps. Elle était là aussi en assumant sur la place publique le fait qu'elle était féministe. Elle a fait « L'une chante, l'autre pas », un film donc littéralement sur l'avortement. Il y avait eu ce manifeste des salopes qu'elle avait signé. Donc, elle s'était assumée là-dessus. Et jusqu'à la toute fin, en 2018 par exemple, elle était sur les marches du Festival de Cannes avec les Cate Blanchett de ce monde pour dire « Voilà, nous voulons la parité. Nous voulons notre place. » Et quand elle le faisait, quand elle prenait la parole, on l'écoutait, ouais. Parce qu'il y avait effectivement ce passé. Et elle était donc très importante dans la reconnaissance qu'on souhaite pour les femmes dans le milieu du cinéma. Elle avait une certaine autorité à ce niveau-là et elle en faisait un très bon usage. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma, ami de l'émission. Merci Michel. Au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.